Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement engagement 12 mois. En matière de coopération scientifique internationale pharaonique, il y a la Station Spatiale Internationale et puis il y a ITER, le futur réacteur nucléaire à fusion installé à Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, lancé à la fin des années 80 au sortir de la guerre froide et qui réunit aujourd'hui pas moins de 35 pays. Le 28 juillet dernier, l'assemblage du tokamak, le réacteur de cette centrale expérimentale, a débuté. Il reste encore de nombreuses étapes avant que le premier plasma d'ITER ne s'allume, a priori au moins 5 ans. L'occasion pour nous de revenir sur la genèse de ce projet, sur ses avancées, ses problématiques théoriques et industrielles. Voyage au centre d'ITER, c'est le programme fusionnel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire et les enjeux donc scientifiques et technologiques de ce réacteur expérimental, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Bécoulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, chef du domaine d'ingénierie pour ITER. Nous sommes également en ligne avec Jérôme Bucalossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique au CEA. Mais on commence par l'assemblage, non pas d'ITER, mais de l'actualité scientifique du jour avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. On commence ce journal avec deux études très attendues parues aujourd'hui dans Physical Review Letters et dans Astrophysical Journal Letters, avec la détection, Natacha, d'une nouvelle catégorie de trous noirs. Et voici la première observation directe d'un trou noir de masse intermédiaire. Depuis leur prédiction dans les années 1970, nous n'en avions jusqu'à présent que des preuves indirectes. Cet objet se situe entre les trous noirs stellaires, d'une dizaine de masses solaires, et ceux dits supermassifs, qui sont au cœur de certaines galaxies et qui dépassent le million de masses solaires. Notre trou noir en question a été baptisé GW190521 et il fait 142 masses solaires. Le 21 mai 2019, les deux détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont détecté la fusion de deux trous noirs géants, respectivement 85 fois et 66 fois plus lourds que notre Soleil. C'est une découverte importante car la naissance de ces objets reste encore mal comprise. Nelson Christensen est chercheur CNRS et directeur du laboratoire Artemis de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Il est l'un des signataires de ces papiers. Le long gravitationnel a passé 7 milliards des années pour arriver ici. Et l'âge de l'univers, c'est 30,8 milliards d'années. Et la fusion de trous noirs a été faite quand l'univers avait l'âge 50% que maintenant. C'est incroyable. Pour les autres observations de trous noirs masse intermédiaire, c'est la donnée indirecte. C'est l'observation de rayon X ou le dynamique des centres galaxies, globular clusters, choses comme ça. Mais nous avons vu directement le long gravitationnel dans la formation de le trou noir centre grand de masse solaire. Et il y a d'informations pour le trou noir supermassif dans le centre de galaxies, comme notre galaxie avec un trou noir de 4 millions de masse solaire. Mais quels sont les liens entre les deux familles-là? Probablement, il y a de l'histoire dans l'univers où les trous noirs supermassifs ont été formés par la fusion d'autres trous noirs. C'est très important pour trouver le trou noir avec les masses intermédiaires pour expliquer la formation de le trou noir, plus grand trou noir dans l'univers. Mais aussi, c'est important pour expliquer la formation des galaxies et la dynamique de la galaxie aussi. Voilà, et on vous met bien sûr le lien vers ces études qui étaient très attendues sur notre fil Twitter @laméthodefc, sur le site également de la méthode scientifique sur franceculture.fr, et on reviendra bien sûr plus longuement dans une prochaine émission sur ces fameux trous noirs de masse intermédiaire. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature, la clé de la guérison du VIH pourrait se trouver chez les personnes séropositives appelées contrôleurs d'élite. Et les contrôleurs d'élite, ce sont une toute petite fraction de personnes séropositives qui présentent une résistance naturelle au virus et qui n'ont pas à passer par des traitements antirétroviraux. Ils représentent moins de 0,5% des 35 millions de personnes dans le monde touchées par le VIH. Une équipe américaine a comparé des milliards de cellules de personnes malades, contrôleurs d'élite ou non. Lorsque le VIH infecte des cellules, le virus infiltre le matériel génétique de son hôte pour produire des protéines virales et se répliquer. Ces chercheurs ont découvert que, chez les contrôleurs d'élite, le virus se loge dans des emplacements du génome que l'on appelle des déserts génétiques. Le matériel génétique viral est donc mis de côté et reste hors de portée des autres éléments de la cellule. Selon une étude parue aujourd'hui dans Proceedings of the Royal Society, les abeilles sont capables de calculer la probabilité de l'utiliser pour trouver de la nourriture. Pour nourrir leur colonie, les abeilles font face à une multitude de fleurs qui, selon leur nectar, répondent plus ou moins bien à leurs besoins. Des chercheurs australiens viennent de mettre en lumière une capacité cognitive insoupçonnée chez ces butineuses. Ils ont appris à une vingtaine d'abeilles à distinguer les couleurs de fleurs artificielles à la probabilité d'obtenir de l'eau douce ou de l'eau sucrée. Les différents exercices montrent que les abeilles sont capables de maximiser leurs chances pour obtenir de l'eau sucrée. Elles rejoignent donc les espèces qui comprennent et utilisent les probabilités aux côtés de l'humain, du singe et du perroquet. Et enfin, selon une étude parue dans Science, il y a 200 000 ans, Homo sapiens construisait ses premières literies. Et des chercheurs du CNRS ont fait cette découverte sur le site archéologique de Border Cave, en Afrique du Sud. Avec différentes analyses microscopiques et spectroscopiques, les chercheurs ont identifié, au fond de la grotte, des litières. Alors, ce sont comme des matelas de plantes constitués de touffes d'herbes qui sont placées sur des couches de cendres. Alors, ces cendres étaient utilisées pour assainir le sol et pour repousser les insectes, en l'occurrence les tiques. Les humains de l'âge de pierre avaient donc des notions d'hygiène, mais aussi le sens du confort. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le 28 juillet dernier a débuté sur le site de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône, donc l'assemblage du réacteur de la centrale nucléaire expérimentale internationale ITER, plus de 15 ans après le début du chantier. C'est un assemblage qui va s'étaler sur 5 ans, qui devrait permettre à l'horizon 2025, si aucun retard ne se profile, d'allumer le tout premier plasma de cette centrale qui va chercher à pousser les limites de la fusion nucléaire, à repousser ses limites. C'est un procédé évidemment très complexe à mettre en place et à stabiliser, mais qui promet en cas de réussite une énergie décarbonée, stable et abondante. C'est l'histoire de cette aventure scientifique fascinante tout autant que contestée, comme toujours bien sûr dès qu'il est question de nucléaire, que nous allons vous raconter aujourd'hui, factuellement, scientifiquement, en commençant par remonter au 28 juin 2005, à l'annonce de la domiciliation de ce futur réacteur à fusion sur le territoire français, dans les Bouches-du-Rhône. Cadarache s'offre les étoiles. Le réacteur de fusion nucléaire ITER sera construit en France sur le site des Bouches-du-Rhône. La décision a été annoncée officiellement ce matin à Moscou. Domestiquer l'énergie des étoiles, c'est l'ambition d'ITER. Nous en parlerons avec notre invité Michel Châtelier du commissariat à l'énergie atomique à Cadarache. France Inter. Depuis quelques semaines, c'était un secret de polichinelle. Jacques Chirac l'avait même annoncé lors d'une intervention télévisée pendant la campagne référendaire. C'est bien à Cadarache, dans le sud de la France, que sera implanté ITER, le réacteur expérimental de fusion nucléaire. La France a donc été préférée au Japon. Les partenaires du projet ITER, l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud et la Chine, ont officialisé leur décision ce matin à Moscou. Voilà cette archive donc du choix de Cadarache pour accueillir ce projet ITER. Une réaction, Alain Bécoulet, à cette archive? Ah oui, c'est assez émouvant que déjà 15 ans plus tard de réentendre ça. Au jour d'aujourd'hui, ITER est vraiment une réalité sur ce site de Cadarache, alors qu'à ce moment-là, c'était vraiment juste une forêt. C'était encore une forêt. Et maintenant, c'est un site qui est, comme vous l'avez dit, depuis la fin de ce mois de juillet, prêt à accueillir et à commencer à assembler les éléments du tokamak, c'est-à-dire que tout ce qui est autour, les bâtiments, les services, etc., sont en capacité aujourd'hui d'accueillir les premiers gros éléments et de commencer l'assemblage du tokamak lui-même. Mmh, et c'est ce dont nous allons parler tout au long de cette heure. Jérôme Bucal aussi, également une réaction à cette archive. Ah oui, oui, je m'associe à Alain pleinement. C'était vraiment quelque chose d'émouvant. D'ailleurs, nous y étions ce jour-là, quand Jacques Chirac a signé le traité pour la construction d'ITER à Cadarache. Et donc, ben, nous, depuis une dizaine d'années ici, on a vu les choses avancer, comme dit Alain, à partir de la forêt, de la colline, tout s'est développé très vite. Et aujourd'hui, c'est une vraie installation industrielle assez gigantesque. Mais alors, la question qu'on se pose un peu idiotement au départ, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans pour que le réacteur ne commence à être assemblé qu'aujourd'hui, Alain Bécoulet? Oui, alors c'est clair que ça paraît long à l'échelle du public, à l'échelle même à notre échelle à nous, impatient de voir cet objet apparaître. Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, on a eu effectivement la décision de la création déjà la décision du site en 2005, la décision de la signature du traité ITER à la fin 2006 à l'Élysée, et puis à partir de là, eh bien, la constitution d'une équipe ou des équipes, hein, puisque ITER est piloté à Cadarache par une équipe internationale et dans les 7 grands partenaires par des équipes délocalisées qui sont en charge de préparer les fournitures de la machine. Donc il a fallu plusieurs années simplement pour constituer ces équipes, les localiser, hein. Il a fallu construire des bâtiments, tout simplement des bureaux pour que les gens puissent s'assembler à Cadarache. Et puis on a commencé à faire tout le travail d'ingénierie qui consiste à préparer, finaliser les designs, préparer les contrats, lancer l'industrie pour fabriquer, depuis les routes, les bâtiments, la clôture, tout ce que vous pouvez imaginer localement, et puis pour la machine elle-même, chez les partenaires, de lancer tous les industriels à fabriquer tous les éléments. Il y a plus d'un million de composants différents, ne serait-ce que pour le tokamak. Et puis voilà, ça se déroule avec un rythme qui est très soutenu et à peu près correct. Et on peut toujours chercher des retards ici ou là, mais qui est un rythme très très maintenu par rapport à nos plannings. Et puis on arrive aujourd'hui à ce que effectivement les bâtiments, le bâtiment nucléaire en particulier, celui qui va héberger le tokamak, est prêt à commencer à héberger les éléments. Vous évoquiez les retards. On parlait hier du James Webb Space Telescope qui lui aussi a accumulé les retards et vu son budget se démultiplier. Le premier plasma était prévu pour 2018, Jérôme Bucal aussi. Il y a quand même quelques années de retard. C'est inévitable, ces retards et ces augmentations budgétaires également. Ça tient beaucoup quand même à la structure du projet, comme c'était vraiment une première aussi au niveau international de faire travailler tous ces gens ensemble, de mettre en place les équipes dans tous les pays. Ça a pris beaucoup de temps quand même, donc c'est pas surprenant du tout. Et en plus, même la structure du projet a quand même été distribuée de manière politique entre les partenaires. Il n'y a pas eu une optimisation d'ingénierie, ce qui fait que les composants non plus ont été faits en plusieurs endroits. Donc ça a complexifié énormément toute cette phase-là. Donc ceci explique, je dirais, le retard sur le projet par rapport au planning initial qui, lui, était vu par des scientifiques en disant tout marche bien, etc. On passe les contrats comme si on était une seule entité qui travaillait. Alain Bécoulet, les esprits chagrins notent aussi l'augmentation, et là c'est aussi la même chose pour le James Webb Télescope, du budget, hein, qui est passé de 5 aujourd'hui à une vingtaine de milliards d'euros. Comment est-ce qu'on explique cette multiplication par 4? Alors il y a beaucoup d'éléments dans ce genre de composants, et effectivement c'est une espèce de constante qu'on retrouve dans beaucoup de projets de ce type-là, ces grands projets de type recherche de grands instruments poussés. Ça vient beaucoup, effectivement, ce que disait Jérôme, d'un optimisme initial des gens qui le designent, mais il y a aussi tout simplement, dans le temps, des événements qui apparaissent et qui ne sont pas prévus ou prévisibles sur le projet, des augmentations de coûts de matériaux. Si vous faites un costing comme celui d'ITER qui a été fait dans les années 2000 et qu'aujourd'hui vous le réalisez, regardez simplement l'augmentation du prix du béton, de l'acier, etc. Et les composants, les constituants de toutes ces installations ont des prix qui augmentent très fortement et qui dépendent du marché. Ce sont des choses qu'on a du mal à prévoir depuis le début. Et puis après, effectivement, on est dans de la recherche, dans de la recherche complètement avancée. Donc, on va vouloir faire quelque chose. On sait spécifier quelque chose. On sait lui donner un coup, mais à partir du moment où c'est, on ne l'a jamais fait, à partir du moment où on s'attaque réellement au problème, on va trouver des problèmes, des solutions, ça va prendre un peu plus de temps, un peu plus d'argent, et donc ça, inévitablement, quand on défriche un nouveau territoire technologique comme le fait ITER, il y a un peu inévitablement des coûts. Alors, il y a une maîtrise des coûts, il y a tout un système de contrôle autour, mais il y a des choses qui sont, entre guillemets, inévitables. C'est pas forcément des excuses que je cherche là, c'est vraiment une explication d'une vie réelle qui se développe sur une vingtaine d'années de construction d'un objet comme ça. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc d'ITER, ce réacteur expérimental à fusion nucléaire dont l'assemblage vient de débuter cet été. Nous en parlons avec Alain Bécoulet et Jérôme Bucal aussi. Alors je précise que nous avions consacré une émission entière à la question de la fusion nucléaire. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter et sur la page internet de l'émission pour vraiment, on va pas avoir le temps de re-rentrer à nouveau dans tous les détails qui avaient été abordés au cours de cette émission. On va évidemment redonner les bases pour comprendre comment fonctionne ITER et quelles sont ses spécificités, mais j'aimerais qu'on revienne avec vous pour commencer à l'origine de ce projet, à l'origine historique. Alain Bécoulet, ITER, c'est un fruit d'une collaboration politique, de la fin d'une époque, on est dans les années 80 et c'est la perestroïka, c'est la fin de la guerre froide. Voilà. Donc ITER, c'est la conjonction entre une communauté qui mûrit un projet et qui mûrit tout un processus qui durerait déjà depuis une quarantaine d'années, on va dire, pour mettre au point les différentes étapes pour aller vers la fusion thermonucléaire. Et effectivement, un moment historique, un moment important, un rapprochement entre l'Est et l'Ouest, et la volonté de Reagan, Gorbatchev de symboliser ce rapprochement par un certain nombre de projets. Et ce projet scientifique, il était là, il était mûr, il a été poussé, et il est né de ce rapprochement, oui, clairement. La technologie de fusion nucléaire, elle est expérimentée depuis longtemps, depuis, on pourrait remonter jusqu'aux années 30. À quel moment, justement, de la connaissance de cette technologie, de la maîtrise de cette technologie, on est dans les années 80, où la Russie a rencontré un certain nombre de succès importants, Jérôme Bucal aussi? Oui, la Russie a été un pionnier dans ses études sur la fusion pour le domaine civil, et en particulier avec la mise au point du tokamak, puisque les tokamaks ont été mis au point en Russie à la fin des années 60. Et donc, à partir de cette technologie-là, ça a permis de faire un bond assez significatif en termes de performance sur la machine et d'atteindre pour la première fois les 10 millions de degrés dans le plasma. Donc ça, c'était vraiment une première étape importante. Ensuite, l'Europe s'est mise à développer des tokamaks de plus en plus importants, le Japon et les États-Unis. Et avec, je dirais, le paroxysme avec le projet JET en Europe, qui était le plus grand tokamak construit avant ITER, sur lequel ITER est essentiellement basé, et qui a permis de produire les premiers mégawatts de puissance fusion. Puisque à la fin des années 90, en 97, on a réussi à produire 16 mégawatts de puissance fusion. Alors ça, c'est un petit peu les grands... C'était à peu près le contexte technologique et scientifique autour de la fusion. On peut dire aujourd'hui, rappeler aujourd'hui qui est dans ITER, qu'est-ce que c'est que ce projet international, quels sont les pays qui y participent et comment est-ce qu'il s'est développé depuis la fin de la guerre froide, depuis la fin des années 80, Alain Bécoulet? Donc actuellement, il y a ce qu'on appelle 7 partenaires d'ITER. Alors l'Europe est un partenaire avec ses 27 ou 28 pays. Ça a commencé à 28, on va dire. Puis les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. Donc on a l'habitude de dire, mais c'est vrai, c'est quand même plus de la moitié de la population mondiale et 80% du produit brut mondial. Donc c'est une vraie aventure mondiale, ça n'est pas une phobie, une lubie d'une ou deux personnes. C'est une vraie aventure mondiale pour adresser ce problème-là. Et effectivement, alors les partenaires se sont accrétés petit à petit jusqu'au moment où on a décidé le projet ITER. Au départ, il y avait plutôt les États-Unis, la Russie, l'Europe, etc. Et puis on a accrété progressivement tous ces partenaires. Et aujourd'hui, ces partenaires se partagent vraiment la fabrication de cette machine suivant un modèle qui est un modèle de fourniture en nature. ce qui est un des problèmes qui enfin tout au moins un des aspects que Jérôme évoquait sur les histoires de délais et de complexité et de coûts, parce que chaque partenaire, on a basé le principe sur on fait tout ça tous ensemble, mais tout le monde apprend ce qu'il sait pas faire dans la fusion, de façon à ce que tout le monde monte en gamme sur ce sujet-là tous ensemble. Donc on s'est partagé les éléments à fabriquer, la recherche et développement à faire, les contributions, et aujourd'hui le travail de l'équipe internationale, c'est de coordonner tout cela pour qu'à la fin ce gigantesque puzzle arrive à se monter. Alors on va rappeler peut-être très rapidement tout de même aujourd'hui quels sont les enjeux scientifiques d'ITER, c'est-à-dire en fait rappelons peut-être brièvement, hein, puisque je renvoie les auditrices et les auditeurs à l'émission entière que nous avions consacrée aux questions liées à la fusion, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué à réaliser la fusion et qu'est-ce qu'ITER va apporter qui devrait permettre d'aller plus loin que jusqu'où on a pu aller aujourd'hui via JET, mais via d'autres tokamak, c'est donc le nom du réacteur nucléaire à fusion qui vient du russe d'ailleurs. Quels sont les enjeux et quelles sont les contraintes de la fusion nucléaire, Jérôme Bucal, aussi en résumé. Les enjeux, donc au niveau d'ITER, l'enjeu principal, c'est d'arriver à créer un plasma qui est auto-entretenu. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, dans les tokamaks, la puissance est amenée par des dispositifs extérieurs pour chauffer le plasma et l'amener aux températures de fusion, c'est-à-dire autour de 150 millions de degrés. Donc ça, c'est avec dispositifs extérieurs. Dans ITER, l'objectif, c'est d'avoir une réaction de fusion suffisante pour auto-entretenir le plasma et même créer de l'énergie. Donc en l'occurrence, l'objectif principal d'ITER, c'est d'avoir un facteur d'amplification de 10, le fameux Q égale 10. Alors rappelez-nous ce que c'est que le facteur Q. Rappelez-nous 500 mégawatts de fusion. Rappelez-nous ce que c'est que le facteur Q précisément, parce que c'est effectivement très important. Donc c'est le facteur d'amplification, c'est-à-dire dans ITER, on va injecter 50 MW pour chauffer le plasma avec différents dispositifs de chauffage. Et le plasma lui-même, par réaction de fusion, va produire 500 MW de puissance thermique. Donc le facteur Q, c'est le rapport entre la puissance créée, fusion créée, divisée par la puissance qu'il a été nécessaire pour chauffer le plasma. La puissance qu'il a fallu injecter. On peut rappeler brièvement... Injecter, ou qu'il faut injecter pour contrôler le plasma et maintenir le plasma. On peut rappeler très brièvement, Alain Bécoulet, qu'est-ce que c'est que ce plasma, les différences entre la fission nucléaire, ce qu'on connaît, les centrales nucléaires, la façon dont elles fonctionnent aujourd'hui, et la fusion, ce sont des mécanismes très différents et justement qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent bien de monter justement aux températures que décrivait Jérôme Bucal aussi, c'est-à-dire 150 millions de degrés, ce qui est évidemment gigantesque. Voilà, donc il est clair que ce qu'on essaye de faire, hein, la fusion, c'est bien un processus nucléaire, mais c'est par opposition au processus nucléaire qui ont lieu dans les réacteurs de fission actuels, ceux qui fonctionnent sur l'ensemble de la planète, où on va casser des gros noyaux, uranium, etc., pour en faire des plus petits et récupérer de l'énergie dans cette rupture de gros noyaux. La fusion, c'est le pendant, c'est l'inverse, c'est de prendre des tout petits noyaux et d'essayer de les faire collisionner les uns avec les autres. Et dans cette collision, ils vont fusionner, ils vont se coller les uns aux autres en créant également de l'énergie. Il y a une courbe de physique nucléaire qui explique que ces deux processus-là peuvent créer de l'énergie. Donc le défi dans cette deuxième version de collecter de l'énergie nucléaire, c'est bien de créer ces collisions à très très haute vitesse et à très très haute énergie de ces petits noyaux. Et pour ça, eh bien, il faut des milieux très très chauds. En un mot commençant, il s'agit de reproduire sur Terre, dans une boîte, il s'agit de reproduire les processus qui ont lieu dans les étoiles, les processus nucléaires du Soleil ou de n'importe quelle étoile. Donc ça donne tout de suite l'image du défi technologique. On doit enfermer dans une boîte matérielle, dans un réacteur, dans un tokamak, on doit enfermer un petit morceau d'étoile. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parlait du facteur Q, c'est que quand on dit que les succès qui ont été rencontrés sur la fusion, on parlait de JET qui a produit 16 mégawatts, mais pour le moment, on n'a pas réussi à faire en sorte que le réacteur s'auto-entretienne, c'est-à-dire qu'on a, pour avoir 16 mégawatts, il a fallu injecter plus de puissance que le réacteur n'en produit, Alain Bécoulet. Oui, dans le cas du JET, c'était dans la fin des années 90, on avait injecté, on va dire, on était pratiquement à Q égale 1, c'est-à-dire on avait injecté une petite vingtaine de mégawatts et on en a récupéré 16,5. Là, on va passer à Q égale 10, donc on va essayer d'aller 10 fois plus loin ou plus haut en performance. Et les lois de la physique sont telles que ça demande de la taille, c'est-à-dire que les performances d'un tokamak augmentent avec sa taille. Ce qui explique que ITER, en volume de plasma, est à peu près 8 à 10 fois plus gros que JET. Et c'est là où on commence à avoir des tailles qui sont considérables et qui font des projets qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus longs à fabriquer. Et on entend bien évidemment que l'un des défis de ce réacteur expérimental, c'est que quand on monte à ces niveaux d'énergie-là, à ces températures-là, il n'y a aucun matériau connu qui puisse résister à ces températures, donc il faut contenir ce plasma. Et c'est l'un des enjeux technologiques et scientifiques, Jérôme Bucal aussi, de contenir bien grâce à une technique que vous allez nous expliquer. Oui, donc le principe pour pouvoir atteindre ces températures, c'est d'avoir un isolant très fort entre le cœur de la machine et les parois. Et c'est là qu'entre en jeu le champ magnétique. Donc on va utiliser des champs magnétiques les plus intenses possibles pour permettre d'isoler le cœur du tokamak de ses parois. Et ainsi, on arrive à obtenir des gradients de température très forts entre le cœur et la paroi et à refroidir le plasma à la périphérie à des températures acceptables pour la paroi et pour les composants. Donc typiquement, on arrive au niveau du plancher de la machine, ce qu'on appelle le divertor, avoir des températures de autour de 10 000 degrés au niveau du plasma à 20 000 degrés. C'est ça les objectifs, pour pouvoir être capable de gérer ces températures. Alain Bécoulet, sur ces objectifs justement technologiques très concrets de contraindre et de maintenir, de confiner ce plasma, vous pouvez nous détailler ça un peu aussi? Alors oui, donc le principe est effectivement de fabriquer, je vais dire, une bouteille thermos magnétique, c'est-à-dire de fabriquer un isolement très très fort entre le cœur du plasma, là où il y a ces 150 millions de degrés, effectivement, et la paroi métallique matérielle qu'il y a au bord, sur lequel on va finir par avoir quelques milliers ou une petite dizaine de milliers de degrés. Ça, ce qu'on sait gérer, est-ce qu'on sait qu'on sait traiter, refroidir et maintenir en condition. Donc effectivement, on a besoin d'une combinaison de champs magnétiques. Un tokamak, c'est essentiellement une combinaison de champs magnétiques qui sont fabriqués à la fois par des bobines statiques, dont on va reparler tout à l'heure pour l'assemblage. Ce sont des bobines qui sont placées verticalement tout autour de cette enceinte en forme de tore. Et puis, un deuxième champ magnétique qui est, lui, créé intrinsèquement à l'intérieur du plasma par la présence d'un courant intense que l'on crée au moment où on crée le plasma. Et bien justement, à ce propos, comme tous les mercredis, nous donnons la parole chaque semaine à un doctorant ou une doctorante qui vient nous présenter ses travaux de recherche. C'est ce dont nous allons parler, ces questions de confinement magnétique dans la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Luce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse à Aix-Marseille Université dans le laboratoire M2P2 en cofinancement avec le CEA Cadarache. Vous travaillez précisément sur ces questions de confinement et de champs magnétiques 3D. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors bonjour, donc je vais vous raconter une petite histoire de 4 minutes sur ma thèse. Donc avec la mise en route prochaine d'ITER, le contrôle des flux de chaleur sur les parois du tokamak dans des confinements à haute énergie est devenu un enjeu central physique d'ingénierie. ITER, c'est un plasma à 150 millions de degrés au centre, 10 fois plus que le cœur du Soleil, le tout dans un tore, un peu net, de seulement 2 mètres de petits rayons. On imagine bien que la puissance transférée vers l'enceinte est colossale. Elle doit donc être contrôlée pour préserver l'intégrité des matériaux de la paroi face à ces flux de chaleur extrêmes. Même avec les puissants imants d'été, pour confiner le plasma loin des murs, les fortes variations de température sur de petites distances, moins de 2 mètres, conduisent à l'apparition de turbulences et d'instabilités. Ces instabilités se présentent sous la forme de violentes bouffées intermittentes transportant matière et chaleur du cœur vers le bord de la machine. Une des stratégies de contrôle de ces phénomènes consiste à perturber le champ magnétique principal autour du tokamak. Ce champ est très souvent considéré en première approximation comme invariant dans la direction du tore, permettant une approche dite bidimensionnelle plus facile en physique. Cette stratégie des petites perturbations a été appliquée avec succès sur le tokamak actuel et sera présente sur ITER. Elle nécessite une approche tridimensionnelle. Malgré les travaux expérimentaux et théoriques existants, la compréhension des effets de ces perturbations magnétiques sur le transport et la turbulence reste à affiner. Cela pour mieux prédire, optimiser le déroulement des expériences, pour apporter un support à l'interprétation des mesures et enfin pour faire avancer la connaissance dans la physique des plasmas de fusion. Ma thèse, donc, c'est d'offrir des éléments de réponse en utilisant la modélisation numérique, c'est-à-dire en simulant un plasma virtuel de tokamak sur un ordinateur. Les récentes avancées informatiques et mathématiques offrent de nouvelles opportunités pour compléter la connaissance apportée par les mesures expérimentales, délicates à obtenir à cause des conditions extrêmes au sein d'un tokamak. Les modèles mathématiques complexes décrivent la dynamique temporelle d'un plasma de 800 mètres cubes comme Terre jusqu'à des échelles en dessous du millimètre. Par analogie avec la météo, c'est simuler un siècle du climat de la Terre à l'échelle du kilomètre. Un coût de calcul exorbitant. Une démarche en science est de décomposer le problème complexe initial en une succession de problèmes de complexité croissante, tout en conservant l'essentiel de la physique du tokamak. Ces simulations, moins coûteuses, nécessitent encore l'utilisation de supercalculateurs parmi les plus puissants d'Europe, équivalent à, on va dire, plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs de bureau reliés entre eux. Pour mon travail quotidien, j'en utilise quelques centaines pendant plusieurs semaines pour une seule simulation. Ça représente des quantités colossales de données à stocker et à analyser. J'ai simulé ainsi un plasma soumis à différentes perturbations magnétiques. J'ai observé que ces perturbations pas plus grande qu'un 10 000e du champ magnétique principal du tokamak pouvait créer des variations de plusieurs dizaines de pourcents sur la turbulence du plasma et même des effets encore plus forts sur son équilibre. Donc mon travail participe à mieux comprendre l'effet magnétique au sein du plasma pour mieux le confiner et ainsi tendre vers des machines capables de produire de l'électricité. Et ça, c'est une histoire qui va au-delà de ma thèse et de celle d'ITER. Merci beaucoup, Benjamin Luce, pour cette présentation de vos travaux. Une réaction, Alain Bécoulet et Jérôme Bucquel aussi. Alain Bécoulet, pour commencer, à ces travaux de recherche. Oui, alors ce qu'il y a de passionnant en plus dans cette recherche-là, c'est qu'effectivement, elle pousse très loin les limites de la technologie, mais elle pousse aussi très loin les limites de la compréhension, de la physique, de la modélisation. Ce qu'il vous a expliqué ici, c'est ce que vous pouvez visualiser simplement. Tout le monde a vu des images et des films du Soleil où on voit ce bouillonnement de la boule solaire. Bon, le plasma de tokamak, il est soumis exactement au même genre de phénomène, c'est-à-dire que c'est un processus, c'est un milieu où les gradients, les variations spatiales de température, de densité sont très très fortes, et ça génère toute une turbulence, tout un bouillonnement, tous des phénomènes. Et effectivement, ce flux de chaleur qu'on va collecter et qu'on va utiliser ultimement, il se fait pas de façon extrêmement simple et calme et fluide. Il se fait de façon turbulente. Et la modélisation de ça, ce sont des phénomènes qui, autant on connaît les équations, autant aujourd'hui encore, on n'est pas capable de les résoudre sur les échelles de temps et d'espace qui nous intéressent pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la modélisation premier principe. Donc, ce que fait Benjamin ici, elle est aussi relayée par toute une série de modélisations plus dégradées, plus simples, plus simplistes, qui permettent de faire le pont entre cette compréhension de très haut niveau et puis finalement des modèles que nous allons utiliser ensuite ultimement pour faire fonctionner le tokamak. Et il y a un dialogue permanent entre toutes ces activités, dans cette communauté qui en fait en plus un sujet scientifique vraiment passionnant. Jérôme Bucquel aussi. Oui, pour compléter la partie aussi qui a été évoquée, c'est la problématique des mesures dans ces milieux extrêmement intenses et très chauds. C'est aussi une problématique très intéressante et on voit que les progrès aussi sur les mesures et sur tous les diagnostics pour mesurer les températures du plasma, les interactions du plasma avec la paroi sont aussi des éléments très importants qui permettent aussi, en parallèle de la simulation, d'avancer dans la compréhension et dans le contrôle. Vous voyez hein, les défis scientifiques et technologiques de ce réacteur expérimental. Rappelons-le, hein, ITER est un réacteur expérimental qui n'a pas vocation à produire de l'électricité consommable sur le territoire français ou sur quelques territoires que ce soit d'ailleurs. On va parler dans cette deuxième partie d'émission de l'assemblage et des défis littéralement d'ingénierie technologique de la construction de ce réacteur nouveau à fusion nucléaire. Sun Ra, Brazilian Sun sur France Culture à 16h36, puisque nous parlons de l'énergie du soleil recréée dans un réacteur. Nous parlons du réacteur expérimental ITER tout au long de cette heure en compagnie d'Alain Bécoulet, qui est physicien chef du domaine d'ingénierie pour ITER, et Jérôme Buquel aussi, qui est physicien également, directeur de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique au CEA. Retour donc sur ITER, sur l'assemblage de ce réacteur expérimental à fusion. Si l'assemblage se passe sur le site de Cadarache, de nombreux tests ont été bien sûr effectués en amont, et notamment sur le site du CEA de Saclay, qui est l'un de vos endroits préférés au monde. Céline Le Seine, bonjour. Tout à fait, oui, c'est vraiment mon endroit préféré, j'adore y aller. On va finir par vous dégoter une petite studette sur le campus. Cette fois en tout cas, vous êtes rendu au Synergium, où sont passées de nombreuses pièces du tokamak d'ITER. Et oui, parce que le CEA contribue depuis des années pour optimiser la fusion magnétique contrôlée. Dans leur laboratoire, ils ont pu tester des contraintes majeures, comme les aimants, les bobines qui devront maintenir le plasma à température, bien confiné à l'intérieur du tokamak. Un autre aspect tout aussi important, c'est la production de tritium, qui est un des ingrédients nécessaires à la génération et au maintien du plasma. J'ai pu visiter les installations avec Bernard Salanon, qui est directeur délégué pour la fusion. Ces équipes sont à pied d'œuvre sur ITER et JT60SA, mais ils sont aussi surtout sur la préparation de démo, qui est le projet après ITER. Dans ce laboratoire ont été testées toutes les bobines du tokamak japonais JT60SA. Et ce que vous voyez ici, c'est l'enceinte cryogénique, une immense enceinte cryogénique dans laquelle on a testé les 20 bobines supraconductrices qui sont venues pour une part d'industriels italiens et pour l'autre part d'industriels français. L'enceinte qu'on voit ici n'est qu'une enceinte de test, mais évidemment, on a porté les bobines à des températures très basses pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Alors, je m'appelle Walid Abdel Maksoud, donc je suis ingénieur-chercheur au DACM à l'IRFU. J'ai été le chef de projet des essais des bobines JT60 au CEA Saclay. Dans un tokamak, on doit être capable de confiner donc, le plasma dans cet espace restreint. Et donc on utilise le champ magnétique, parce que le plasma monte à des millions de degrés Celsius. Donc le meilleur moyen qu'on a trouvé pour le confiner sans pour autant détériorer les matériaux, c'est justement d'utiliser le confinement magnétique. Et donc dans ce qu'on appelle les tokamaks, comme ITER et JT60, on a trois types de bobines. des bobines poloïdales, des bobines toroïdales et le solénoïde central. C'est grâce à l'assemblage de ces trois bobines qu'on peut arriver à emprisonner en quelque sorte le plasma selon ces lignes de champ qui suivent le tore du tokamak. Donc c'est trois types de bobines. En vérité, les bobines toroïdales, par exemple, dans GT60, il y en a 18. Les bobines poloïdales, il y en a 6. Donc c'est trois effectivement directions de champ magnétique qui permettent à la fois d'emprisonner le plasma dans la zone souhaitée et aussi de lui donner l'énergie nécessaire. On peut monter sur le cryostat ? Bien évidemment. Et de quelle dimension là pour se donner une idée ? Alors le cryostat JT60, il fait environ 12 mètres de long, 7 mètres de large. La base plus le couvercle doivent faire environ 70 tonnes. Donc les 20 bobines ont été testées ici, donc on les amenait dans le cryostat. On connectait les fluides et l'électricité. Donc c'est les deux principales choses qu'il faut connecter à la bobine. Le fluide pour le refroidir entre 300 Kelvin et 5 Kelvin. Et l'électricité pour être capable de l'emmener à 25 000 ampères et justement produire le champ magnétique souhaité. Donc une fois que ces connexions ont été faites, on refermait le cryostat. Et puis ensuite, on met en route le réfrigérateur hélium. On va jusqu'à la température souhaitée, ça prenait à peu près une semaine. Et ensuite, on mettait le courant dans la bobine pour faire les tests en courant. Maintenant, nous nous dirigeons vers un laboratoire de la direction des énergies, dans lequel se trouve l'activité du CEA sur les modules de test de fourniture de tritium qui seront installés dans ITER. Le tritium n'existe pas dans la nature. Contrairement au deutérium qui, lui, est une ressource quasi inépuisable. En fait. Oui, il y a beaucoup de deutérium dans l'eau de mer. Il suffit de distiller l'eau de mer. Par contre, le tritium, il faudra le produire dans les futures machines de fusion par réaction nucléaire à partir du lithium, ce qui signifie qu'il faut amener des quantités importantes de lithium au voisinage du plasma. Vous voulez dire qu'on doit faire des réactions de fission pour faire de la fusion ? Oui, c'est ça, exactement. Alors dans ce bâtiment, on étudie, définit la partie qui sera face au plasma dans les couvertures tritigènes. Et donc ça implique de savoir quelle nuance d'acier utiliser, comment le souder, comment le travailler dans ces couvertures. Donc ici, on est dans un labo principalement de soudage. Donc nous, on participe aux travaux pour ITER dans le sens de la faisabilité de soudage de plusieurs éléments, mais notamment un en particulier qui sera très important et qui sera principalement pour démo. Donc c'est les couvertures tritigènes. Donc ils vont permettre, ça va être l'élément qui va permettre de produire l'électricité. Et pour ce faire, en fait, on fait une espèce de miniature de cet élément qu'on appelle des TBM. Donc les tests blanquettes modules qui simulent en plus petit les couvertures tritigènes, dont on va regarder la faisabilité sur un nouveau matériau qui a été designé exprès, qui s'appelle l'orofer, les possibilités de soudage et vérifier les trois fonctions que doit faire la couverture tritigène, qui est donc la production de tritium pour le plasma, l'échangeur thermique pour produire l'électricité et la couverture neutronique, donc la protection neutronique pour protéger les éléments des neutrons qui seront émis par le plasma, qui sont derrière. Donc ici, vous pouvez voir là, donc c'est un TBM à échelle 1, sachant que les couvertures tritigènes, elles font 14 mètres. Avant de le mettre dans démo, qui sera suivi après terre, on va tester en plus petit, et du coup aussi pour prouver que cet objet très technologique et réalisable aussi. Et donc on va vous montrer, on fait des essais, donc on a fait des essais sur des petites maquettes. Donc on peut aller voir à l'intérieur. Donc là on va venir faire du soudage. Donc là ça a été designé comme ça, après plusieurs études. Et ensuite on vient souder sans jeu ici avec cette torche là en fait. La possibilité de produire du tritium sur les futures machines est absolument cruciale. Ce qu'on voit ici, c'est sans précédent. Personne n'a jamais fait fonctionner en grandeur réelle un module de couverture tritigène. ITER, un des objectifs d'ITER, c'est ça, prouver qu'on peut produire du tritium. Voilà le reportage sur le site du CEA Synergium et notamment cet autre enjeu que nous n'avons pas encore évoqué pour le moment de la production de tritium pour la dernière phase d'activation de d'ITER. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Alain Bicoulet? Oui, alors pour revenir sur les couvertures tritigènes, effectivement, une des missions d'ITER, on l'a dit, c'est d'amplifier l'énergie, de démontrer qu'on sait maîtriser et maintenir un plasma qui va générer 10 fois plus de puissance que ce qu'on lui en injecte. Mais il y a un certain nombre de missions technologiques, parce que ITER est un moment important, une étape importante dans la route vers la production d'énergie de fusion. Et ITER a comme une des missions technologiques d'ITER, c'est de vérifier que, de mettre au point finalement, et de vérifier qu'on a une ou des solutions pour que chaque fois qu'un neutron est créé à l'intérieur du plasma et sort, eh bien, il rencontre effectivement un noyau de lithium et il produit un tritium qui va être ensuite recyclé et réinjecté dans le plasma pour être rebrûlé. Donc, ce cycle est intéressant parce que il permet d'une part à la réaction de se maintenir, mais il permet surtout de voir que le seul élément radioactif de la réaction, en fait, il n'est pas apporté de l'extérieur. Il est fabriqué sur place, brûlé sur place, fabriqué sur place, brûlé sur place. Donc, le bilan extérieur, vu de l'extérieur, le bilan de ce type de réacteur, c'est d'apporter du lithium et du deutérium, et puis de récupérer de l'hélium. Donc c'est un des gros avantages de ce type de filière, c'est qu'on ne manipule pas, on ne promène pas, si je puis m'exprimer ainsi, de produits radioactifs, ni à l'entrée, ni à la sortie. Donc ça, c'est un élément important. Il faut faire cette démonstration. Aujourd'hui, ce que disait Bernard Salanon est important. Personne n'a jamais fait fonctionner une couverture tritigène. Et une des missions d'ITER, une fois qu'il aura atteint son point de fonctionnement d'un facteur d'amplification de 10, ce sera eh bien, de tester, en fait, pas une couverture tritigène. Aujourd'hui, il va y avoir entre 4 et 6 concepts différents qui seront testés au cours de la vie productive, on va dire, d'ITER. Jérôme Bucal aussi sur ce reportage également. Bah oui, comme l'a bien dit Alain, la partie production de tritium est un enjeu très important dans lequel le CEA est évidemment bien impliqué, même à l'origine de plusieurs concepts là-dessus. Donc à l'heure actuelle, on étudie effectivement plusieurs concepts pour répondre aux missions de ces couvertures. Comme ça a été bien dit dans le reportage, il s'agit à la fois de produire du tritium, mais également c'est le premier bouclier face au bombardement neutronique intense. Donc il faut à la fois aussi convertir cette énergie en chaleur, et aussi protéger les bobines qui sont derrière ces couvertures, parce que les bobines supportent mal le flux neutronique. Donc on a, pour ces études-là, c'est des études à la fois assez complexes, puisqu'il y a plusieurs matériaux tritigènes qui sont à l'étude, que ce soit des solides ou des liquides, toujours à base de lithium, bien sûr. Mm-hmm. Et après, la problématique de la tenue en structure face aux neutrons, face au bombardement de neutrons. Donc là aussi, on parle d'acier à faible activation, c'est-à-dire qui résiste bien aux neutrons. Également le caloporteur pour faire la fonction d'extraction de chaleur. Et donc dans ITER, on va tester aussi deux types de caloporteurs, à la fois l'eau, qui est le plus classique, et puis des plus avancés comme l'hélium, qui permettent d'avoir des performances encore plus élevées. Et après, on a aussi dedans des multiplicateurs de neutrons, parce que le but, c'est d'arriver à avoir, avec un neutron de fusion, arriver à produire plus de un, en tout cas, pour qu'on puisse entretenir le réacteur. Donc ça, c'est l'enjeu aussi de multiplier les neutrons pour avoir une source de tritium suffisante. Alors si on revient aujourd'hui à cet assemblage, hein, on a dit le tokamak a commencé à être assemblé le 28 juillet, ça va durer 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Comment ça va se passer? Quelles sont les étapes? Parce que on l'entendait un peu dans la présentation des travaux tout à l'heure de Benjamin Luce, effectivement ce sont c'est une machine très importante en termes de taille, en volume, ce sont des éléments énormes, mais qu'il va falloir assembler avec une précision submillimétrique. Alain Bécoulet, c'est l'alliance des contraires, en quelque sorte. Oui, alors effectivement, il faut comprendre qu'une partie, ou tout de moins, mais un élément important de ce confinement magnétique, c'est évidemment que les champs doivent être très intenses, mais ils doivent être parfaitement alignés, ils doivent être parfaitement positionnés. Et ce positionnement, il tombe, on l'a vu effectivement dans la présentation de Benjamin, il va requérir vraiment une précision millimétrique. Donc vous avez une machine qui fait 30 mètres de diamètre, 30 mètres de haut, et dont tous les éléments qui va peser en tout 23 000 tonnes, mais dont tous les éléments doivent être alignés de façon quasi parfaite. Donc il y a une horlogerie nucléaire qui se met en place dans l'assemblage du projet ITER. Ça explique aussi d'une certaine façon le temps qu'on met pour fabriquer ça. Hein. Assembler 5 ans pour assembler quelque chose comme ça, ça peut paraître énorme. En pratique, c'est un assemblage qui est fait de façon excessivement précise. Et comment ça va se passer précisément justement? Par quoi on commence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les pièces du puzzle de cet assemblage du tokamak, Alain Bécoulet? Voilà. Alors c'est difficile parce que quand on n'a pas d'image devant les yeux, mais on a déjà commencé pour les auditeurs qui veulent venir en particulier sur le site web d'ITER, vous verrez beaucoup d'images et de films. On commence par ITER lui-même sera placé à l'intérieur d'une énorme cylindre qu'on appelle un cryostat, de façon à pouvoir l'isoler thermiquement de tout l'extérieur. Et donc on a commencé déjà depuis la fin du printemps à positionner la base de ce cryostat, qui est un énorme plaque circulaire qui fait 1250 tonnes qu'on a placé au fond du trou, d'une certaine façon où on veut positionner ITER. Et on a placé là la semaine dernière la première moitié du cylindre lui-même sur cette plaque de fond. Et la suite va être dans les semaines qui viennent, on va placer la deuxième moitié de ce cylindre. Donc on aura créé une boîte de conserve, je dirais, un cylindre sans son couvercle en haut, dans lequel on va commencer à amener les différents éléments. Alors le premier élément qui va rentrer, c'est une de ces bobines horizontales dont on parlait, qui sont les bobines poloïdales. C'est la plus petite, c'est celle qui est au fond. Et puis ensuite, on va venir assembler morceau par morceau l'enceinte de forme torique avec ses bobines toroïdales. Donc nous avons des énormes outils d'assemblage qui permettent de prendre un secteur de l'enceinte à vide. Il y en a 9, en fait. L'enceinte est découpée en 9 quartiers d'orange, je dirais. Lui adjoindre de part et d'autre 2 bobines toroïdales, puisqu'il y a 18 bobines. Et puis, ça forme une unité qu'on va descendre dans le trou. Et puis, on va le répéter ça 9 fois. Et on va ensuite assembler tous ces 9 éléments à l'intérieur de ce cryostat, avec soudure, etc., etc. Ensuite, on placera toutes les autres bobines poloïdales et puis le couvercle du cryostat. Ça va durer à peu près 5 ans, parce que effectivement, il y a non seulement l'assemblage et la soudure, mais il y a aussi donc toute cette précision qu'on doit maintenir en permanence pour que, à la fin des fins, la configuration magnétique, le champ magnétique qui va régner à l'intérieur de cette enceinte à vide soit avec un alignement quasi parfait. Alors ça nous amène normalement en 2025, si évidemment tout cet assemblage se passe sans encombre notable, mais en 2025, ça n'est pas du tout la fin de l'assemblage d'ITER. Jérôme Bucal aussi, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on va allumer le premier plasma, mais ça va être encore finalement des plasmas de test, c'est pas exactement de la fusion deutérium-tritium qui va se passer immédiatement. Oui, en effet, on va commencer par une phase de test, c'est-à-dire une fois que toutes les bobines auront été positionnées et installées, il va falloir monter le courant dedans, mettre la puissance dedans, tester le champ, mesurer, voir si tous les alignements sont bons, si tout marche. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu de vérifier la qualité du champ magnétique après la fabrication et l'assemblage de toutes les bobines. Il y a aussi l'enjeu de l'assemblage de la chambre à vide. Il va falloir faire le vide dedans pour vérifier que l'étanchéité de cette enceinte est énorme, parce que ça, c'est aussi un défi majeur, puisque dedans, on veut avoir un ultra-vide, il va y avoir beaucoup de ports, beaucoup de fenêtres, beaucoup de soudures, donc il va falloir tester tout ça. Et donc le premier résultat du premier plasma de 2025, ce sera de prouver que la chambre à vide est étanche, complètement étanche, que le champ magnétique est de la qualité attendue, que tout marche correctement. Et une fois que la machine sera réceptionnée dans ses composants importants, après, il y aura une deuxième phase d'assemblage où on viendra mettre tous les composants internes et les systèmes de chauffage et l'ensemble des systèmes de mesure pour après démarrer la phase véritablement de plasma, d'étude du plasma en lui-même. La première phase sera vraiment une qualification de la machine en elle-même. Et on imagine, compte tenu de tout ce que vous nous racontez l'un et l'autre, de la nécessaire précision, qu'il faut préciser aussi pour les auditrices et les auditeurs que tous ces tests-là, on ne peut les faire que sur place, que ce sont notamment les bobines toroïdales, les bobines supraconductrices, on ne peut pas les tester ailleurs que sur place. Donc s'il y a le moindre petit pépin, le moindre petit grain de poussière, tout ça risque de prendre rapidement beaucoup plus de temps, Alain Bécoulet. Oui, alors malheureusement, par rapport à ce que vous a présenté Bernard Salanon au Synergium à Saclay, cette fois-ci, sur ITER, les bobines de champ magnétique sont tellement grandes. Les bobines toroïdales font 17 mètres de haut. La bobine la plus grande de champ magnétique poloïdale, elle fait 25 mètres de diamètre. Le solénoïde central, il pèse 1000 tonnes. On ne va pas faire de caissons de test avant. Donc on va assembler la machine avec un processus qualité qui permet de s'assurer au maximum qu'il n'y a pas de souci pendant la fabrication. Mais effectivement, c'est une fois assemblé que le tokamak lui-même va pouvoir être vérifié au sens, en particulier, de la qualité supraconductrice de tous les composants. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, pendant cette phase de test? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lancer immédiatement la version finale des tests de fusion d'Ethereum-Tritium, Alain Bécoulet? Alors, ce qu'a dit Jérôme, c'est que l'assemblage se passe en plusieurs phases. Une fois qu'on a testé le champ magnétique et l'enceinte à vide, il faut intégrer tous les éléments des composants face au plasma, ceux qui prennent cette fameuse chaleur, puissance qui sort du plasma. Il faut évidemment amener les systèmes de chauffage, ceux qui sont censés faire monter la température du plasma, les diagnostics, etc. Donc ça prend quelques années. Et puis ensuite, il y a une phase où on va faire des plasmas à bon niveau, au niveau qu'on recherche, mais sans deutérium ni tritium, plutôt avec de l'hélium ou de l'hydrogène qui font qu'il n'y a pas de réaction de fusion, il n'y a pas de création de neutrons, etc. Donc on fait une mise au point à blanc, à froid, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'on est capable de nouveau de préparer tout le point, le fonctionnement opérationnel de la machine, sans avoir de création de neutrons, d'activation, etc., donc en pouvant continuer à intervenir. Et ça n'est que dans les années 2030 et quelques, 2032-33, qu'on va ajouter progressivement du deutérium puis du tritium pour pouvoir atteindre ces points de fonctionnement. Il faut comprendre qu'un tokamak, son point de fonctionnement est créé par une autocohérence de ce confinement de la qualité du plasma, etc. Donc c'est un point de fonctionnement qu'on découvre, enfin qu'on élabore au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui se développe et qui se raffine avant de fonctionner. Et on a la chance en fusion de pouvoir faire toute cette préparation sans tritium. Et puis une fois qu'on a trouvé le point de fonctionnement, on met du tritium et on est bon. Mmh. Et le cahier des charges, Jérôme Bucalossi, d'ITER, c'est de réussir à terme, donc pas avant mars 2035, si tout va bien, et on a bien compris que au moindre petit grain de poussière, tout ça peut se décaler encore dans l'avenir, c'est de produire 500 MW pendant 6 minutes 40, en n'ayant injecté qu'un dixième de cette puissance, c'est-à-dire 50 MW de puissance fournie, c'est cela, pas plus? Oui, c'est ça. En gros, cette valeur-là, c'est 500 mégawatts, c'est le résultat des prédictions avec les modèles actuels qu'on essaie de raffiner en permanence sur toutes les machines qui existent aujourd'hui. Donc, le 500 mégawatts, c'est une valeur sur laquelle on a une assurance assez importante de tous les modèles. Après, suivant ce qui se passe et les découvertes et le fonctionnement, il peut y avoir des surprises dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas, on est assez confiant sur le 500 MW là-dessus. Toute façon, la machine et les composants face au plasma sont designés pour aller à ces valeurs-là. Si jamais on avait besoin de moins de puissance, on réduirait la puissance d'injection. C'est-à-dire, si on avait besoin que de 30 ou de 10, c'est cet élément-là de contrôle. Mais au-delà, ça risque après de détruire, d'endommager les composants face au plasma. Bien sûr. En un mot, pour conclure, Alain Bécoulet, on voit que on est là à l'horizon 2035. ITER, rappelons-le, est un réacteur expérimental qui n'a pas vocation à délivrer de l'électricité. Ça veut dire que dans le futur, à quel moment est-ce qu'on peut imaginer avoir des centrales nucléaires à fusion opérationnelles qui puissent fournir l'énergie promise, c'est-à-dire cette énergie quasiment inépuisable avec très peu de composants et quasiment décarbonée si on enlève le lithium qu'il faut bien extraire à un moment donné? D'accord. Alors là, donc, en un mot, c'est la fin de l'émission. Assez simple. Les partenaires d'ITER sont là pour effectivement prévoir déjà la suite. Et donc, on n'attend pas complètement les résultats d'ITER pour démarrer la suite. Mais les programmes dits démo de différents partenaires, ils imaginent pouvoir commencer à produire de l'électricité dans les années 2050. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler d'ITER. Merci Alain Bécoulet, merci Jérôme merci. Buquel aussi. Je vous dis, c'était le retour de la recherche montre en main, c'est également le retour des idées claires tous les mercredis. Cette vidéo et ce podcast de France Culture que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, où on détricote des idées reçues ou de la désinformation grâce à une parole scientifique. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la capacité de Donald Trump à truquer ou à modifier l'élection présidentielle américaine. C'est retrouvé sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Véronique Lamandour à la réalisation et Ludovic Eugé à la technique. Demain, on reste dans l'atome, puisque pour notre premier jeudi d'Histoire des sciences, nous reviendrons sur la découverte et la compréhension du modèle atomique, notamment avec les travaux, bien sûr, de Niels Bohr. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.